bizarre ce délai. C'est un délai de. De Nimbot là. Attends. Basique tap ping pong. Ping pong. Thank you. Si marche le délai. C'est un délai de ninja. Mais j'arrive pas, je sais pas comment on irait avec ça. Moi je connais que le tap tempo mais il y en a pas. Play drum. Attends, je vais essayer. Attention. Yeah. troisième. Bon, comment on enlève ce truc là? Je sais plus comment on l'enlève. Guitare, FX. Ça s'appelait le Déluminator. C'est pas mal, c'est bien fait. Hein. Ça c'est Small Room. Vocal slapback. Slapback. Snare rhythm. Quoi? La reverb, la reverb. Ah non, c'est pas bon ça. J'ai perdu la reverb normale. Reverb bête. comme ça tu t'en vas. L'appartement joli, gentil, qu'on avait fait juste pour nous. Tu t'en fous, tu t'en fous. Alors comme ça tu t'en vas. Le chat peut te chercher partout. Car toi, tu t'en fous, tu t'en fous. Merde, putain, j'en ai fait quoi, ce bordel là.